Chapitre 50e. Mademoiselle de Beauménil avait promis à Herminie d'aller la voir le vendredi matin, le lendemain du jour où la plus riche héritière de France avait assisté au bal de Madame de Mirecourt, et où messieurs de Macreuse et de Mornant avaient été exécutés par monsieur de Maillefort. Mademoiselle de Beauménil était sortie de ce bal aussi profondément attristée qu'effrayée des découvertes qu'elle avait faites au sujet de ses prétendants, odieuse révélation complétée par les loyaux aveux de Gérald sur la façon dont on mariait une héritière. Éprouvant autant de mépris que d'aversion pour son tuteur et pour sa famille, la jeune fille sentait la nécessité de prendre un parti décisif, ses relations avec les La Rochegue devant être intolérables. Il lui fallait donc chercher en dehors de cette famille de sages conseils un appui certain. Ernestine ne voyait que deux personnes en qui placer sa confiance, Herminie et M. de Maillefort. Mais pour s'ouvrir à Herminie, il fallait que Mademoiselle de Beauménil lui avouât qui elle était réellement, et cette révélation, elle se promit de la faire bientôt à son amie. Voulant cependant, une fois encore, jouir du bonheur inappréciable de recevoir de nouveau ces témoignages de tendre amitié, que la duchesse croyait adressée à Ernestine orpheline et vivant de son travail. « Pourvu qu'elle m'aime autant lorsqu'elle saura que je suis si riche, » pensait l'héritière avec anxiété. « Pourvu qu'à cette découverte la délicatesse et la fierté du caractère d'Herminie ne refroidissent pas son amitié pour moi. » Fidèle à sa promesse et toute heureuse de savoir combien Gérald était digne de l'amour d'Herminie, Mademoiselle de Beauménil, accompagnée de Madame l'aînée, qui l'attendait comme d'habitude, se rendit donc le vendredi matin chez la duchesse. Il est inutile de dire que le lendemain de l'exécution de M. de Macreuse, Mademoiselle Héléna ne s'était pas présentée pour accompagner à la messe la pupille du baron. En songeant à sa prochaine entrevue avec Herminie, Ernestine se sentait néanmoins attristée. Bien qu'elle connût la noblesse des intentions de Gérald, et que depuis son entretien avec lui pendant la soirée de la veille, elle se fût assurée qu'il aimait passionnément Herminie, Mademoiselle de Beauménil pressentait les difficultés sans nombre dont devait être traversé le mariage du jeune duc et de la pauvre maîtresse de piano. Telles étaient les préoccupations d'Ernestine lorsqu'elle arriva chez son amie. Celle-ci courut à elle, l'embrassa tendrement et lui dit « Ah, j'étais bien sûr que vous n'oublieriez pas votre promesse, Ernestine. Ne vous avais-je pas dit que votre présence me serait douce et consolante? Puisse-t-elle l'être, en effet, ma bonne Herminie? Avez-vous un peu repris courage? Avez-vous quelque espoir? » La duchesse secoua mélancoliquement la tête et reprit. « Je puis heureusement à cette heure oublier mes chagrins. N'en parlons pas, Ernestine. Plus tard, nous y reviendrons, lorsque, hélas, je n'aurai plus rien pour me distraire. » « De quelle distraction voulez-vous parler? Il s'agit de vous, Ernestine. »« De moi? Oui. Il est question d'une chose qui pourrait avoir peut-être une heureuse influence sur votre avenir, pauvre chère petite orpheline. Que voulez-vous dire, Herminie? » ?»« Ce n'est pas moi qui vous expliquerai ce mystère. L'on m'avait prié d'être auprès de vous l'interprète de certains projets. Mais craignant de vous influencer par la manière dont je vous les présenterais, j'ai refusé. » Voulant que votre décision vînt absolument de vous, quitte ensuite à vous dire mon avis si vous me le demandez. Mon Dieu, Herminie, ce que vous me dites là me surprend de plus en plus. Quels sont donc ces projets? La dernière fois que nous nous sommes vus, pendant que monsieur le commandant Bernard vous exprimait encore sa reconnaissance, monsieur Olivier m'a prié de le recevoir le lendemain pour une communication très importante, m'a-t-il dit. Je l'ai reçu. Cela était grave, en effet. Aussi me pria-t-il d'être son interprète auprès de vous. Mais je n'ai pas voulu me charger de cette démarche, Ernestine, pour les motifs que je vous ai dit. Ah, c'est de monsieur Olivier qu'il s'agit? Oui. Et j'ai cru qu'il valait mieux qu'il vous parle lui-même en ma présence, si toutefois vous y consentez. Ainsi, ma bonne Herminie, vous me conseillez d'entendre monsieur Olivier. Je vous le conseille, Ernestine. Parce que, quoi qu'il arrive et que vous décidiez, vous serez, je n'en doute pas, heureuse et fière de l'avoir entendu. Alors, Herminie, je verrai M. Olivier, mais quand cela? Aujourd'hui, à l'instant, si vous le désirez. Où est-il donc ? Là, dans le jardin. Comptant sur votre visite de ce matin, je lui ai dit « Venez vendredi, monsieur Olivier. Vous attendrez quelques instants en vous promenant. Si Ernestine consent à vous voir, je vous enverrai chercher. » « Eh bien, Herminie, ayez la bonté de faire prévenir monsieur Olivier que je ne demande pas mieux que de le voir. » Un instant après, Olivier Raymond était introduit et annoncé par madame Mouflon, la portière. « Monsieur Olivier, dit Herminie, Ernestine est prête à vous entendre. Vous savez mon amitié pour elle. Vous savez aussi mon estime pour vous. Ma présence à cet entretien ne vous étonnera donc pas. » « Votre présence, je la désirais, mademoiselle Herminie, car j'aurais peut-être à en appeler les souvenirs. » S'adressant alors à mademoiselle de Beauménil, Olivier, sans cacher une vive émotion, reprit d'un ton pénétré « Mademoiselle, il me faut une entière confiance dans la droiture de mes intentions, pour hasarder la démarche peut-être étrange que je tente auprès de vous. Je suis certaine d'avance, monsieur Olivier, que cette démarche est digne de vous, de moi et de l'ami qui nous écoute. Je le crois, mademoiselle. Je vais donc vous parler en toute sincérité, car vous vous souvenez peut-être qu'une fois déjà vous m'avez su gré de ma franchise. J'en étais on ne peut plus toucher, monsieur Olivier. Herminie pourra vous en assurer. Mademoiselle Herminie pourra témoigner aussi du vif intérêt que vous m'avez inspiré, mademoiselle. Je ne dirai pas lors de la contredanse de charité, ajouta Olivier en souriant doucement, mais ensuite de l'entretien que j'ai eu avec vous ce soir-là. En effet, ma chère Ernestine, après votre départ, monsieur Olivier m'a paru très touché du mélange de mélancolie, de franchise, de gracieuse originalité qu'il avait trouvé dans votre conversation. Son intérêt a surtout redoublé lorsque je lui eus dit, sans commettre, je l'espère, d'indiscrétion, que je ne vous croyais pas heureuse. La vérité n'est jamais indiscrète, ma bonne Herminie. Si l'on doit cacher son infortune aux indifférents, on s'en console presque en l'avouant à ses amis. Alors, mademoiselle, reprit Olivier, vous comprendrez peut-être qu'en raison de toutes ces circonstances, notre première entrevue m'ait causé, je ne vous dirai pas, une de ces émotions violentes, soudaines, que l'on éprouve quelquefois, je mentirais, mais une émotion pleine de douceur et mêlée de sollicitude pour votre sort, sollicitude que le souvenir et la réflexion ont rendu plus tard de plus en plus vive. Tels étaient mes sentiments, mademoiselle, lorsque vous avez, au péril de votre vie, sauvé un homme que j'aime comme mon père. Vous dire, mademoiselle, ce que j'ai ressenti, lorsqu'à ce que j'éprouvais déjà pour vous, se sont jointes la reconnaissance, l'admiration, que méritait votre généreux dévouement. Vous dire ce que j'ai alors ressenti, jamais je ne l'aurais osé, peut-être, sans la fortune inattendue qui m'est arrivée. » Puis s'arrêtant un instant comme s'il eût hésité à continuer, Olivier reprit « C'est à cette heure, mademoiselle, que j'ai besoin de me rappeler, et de vous rappeler à vous-même, que vous aimez avant tout la sincérité. » « Oui, monsieur Olivier, j'aime avant tout la sincérité. » « Eh bien, mademoiselle, franchement, vous n'êtes pas heureuse. Vous n'avez pas à vous louer des personnes qui vous entourent, n'est-ce pas ?»« Hélas, non, monsieur Olivier. Le seul bonheur que j'ai connu depuis la mort de mon père et de ma mère date du jour de ma présentation chez madame Hermaud. » « Je ne voudrais pas vous attrister, mademoiselle, » poursuivit Olivier avec un accent rempli de bonté. « Je ne voudrais pas vous rappeler ce qu'il y a de pénible, de précaire, dans une condition dépendante absolument d'un travail souvent incertain, parfois insuffisant, et cependant, mademoiselle, quelque laborieuse que vous soyez, quelque foi que vous ayez dans votre courage, il ne faut pas oublier que vous êtes orpheline, entourée sans doute de cœurs égoïstes, durs, qui au jour du besoin, de la maladie, vous délaisserez peut-être ou vous témoignerez une humiliante pitié, plus cruelle encore que l'abandon. Ah, vous ne vous trompez pas, monsieur Olivier. Dureté, mépris, abandon. Voilà ce que j'aurais à attendre des personnages dont je suis entouré, si demain je tombais dans la misère. Vous, exposé au mépris, aux duretés, s'écria Olivier, jamais. Et une émotion touchante attrista son noble et gracieux visage. « Vous, mademoiselle, reprit-il, vous ainsi traité, non, non, cela ne peut pas être, cela ne sera pas. Je sais bien que vous devez compter sur la tendre amitié de mademoiselle Herminie. Mais entre honnêtes et pauvres gens comme nous, l'on ne doit point s'abuser. Mademoiselle Herminie peut un jour avoir besoin de vous, et d'ailleurs deux appuis valent mieux qu'un. Aussi, l'un de ces appuis, je me permettrai de vous l'offrir, si vous aviez en moi autant de confiance que j'ai pour vous de profondes et respectueuses affections. Monsieur, dit Ernestine en tressaillant et en baissant les yeux, je ne sais si je dois... Tenez, mademoiselle, si j'étais encore soldat, car être soldat ou sous-officier, c'est tout un, je ne vous parlerai pas ainsi. J'aurais tâché d'oublier, non ma reconnaissance, mais le sentiment qui me la rend doublement chère. Y serais-je parvenu, je ne sais. Mais aujourd'hui, je suis officier. C'est pour moi une fortune, et cette fortune, laissez-moi vous l'offrir. À moi, monsieur, un sort si au-dessus de mes espérances, dit Ernestine en contenant à peine la joie ineffable que lui causait la proposition d'Olivier. À moi, pauvre orpheline qui vit de mon travail. Ah, mademoiselle, si j'étais assez heureux pour que vous acceptiez cette offre, loin d'acquitter une dette sacrée, j'en contracterais une autre envers vous, car je vous devrais le bonheur de ma vie. Mais cette dette-là, du moins, je serais certain de la payer à force de dévouement et d'amour. Oui, pourquoi ne pas le dire, le dire bien haut. Il n'est pas d'amour plus profond, plus honorable que le mien. Il n'est pas de cause plus généreuse, plus sainte que celle qui me l'ont mis au cœur. À ces mots, prononcés par Olivier avec un accent de conviction, de sincérité irrésistible, mademoiselle de Boisménil, dont le trouble avait toujours été croissant, éprouva un sentiment délicieux jusqu'alors inconnu pour elle. Une vive rougeur couvrit son front et son cou lorsque par deux fois elle jeta les yeux sur le noble et gracieux visage d'Olivier, alors rayonnant de loyauté, d'amour et d'espoir. Ainsi Ernestine ne s'était pas trompée sur la signification du regard d'Olivier, alors qu'il avait appris devant elle sa nomination au grade d'officier. La jeune fille se voyait, se sentait aimée, ardemment aimée. Puis, bonheur inappréciable, telles étaient l'évidence, la noblesse des causes de cet amour, qu'elle ne pouvait douter de sa réalité. Et croire à un tel amour, comprendre, apprécier tout ce qu'il a d'élevé, de tendre, de charmant, n'est-ce pas le partager? Surtout lorsque, comme mademoiselle de Boisménil, l'on a vécu au milieu des appréhensions d'une défiance si cruellement justifiée par les événements, d'une défiance qui menaçait de flétrir tous les projets que la triste héritière pouvait former pour son avenir. Aussi pour elle, quelle joie ineffable de se dire « C'est moi, la pauvre orpheline sans nom, sans fortune que l'on aime, parce que je me suis montrée sincère, vaillante et généreuse. Et je suis si véritablement aimée que l'on m'offre un mariage inespéré, car il m'assure l'aisance, une position honorable et honorée à moi, que l'on croit destinée à vivre dans la gêne, presque dans la misère. » Mademoiselle de Boisménil, confuse, heureuse, agitée de mille sensations nouvelles, rougissant et souriant à la fois, prit la main d'Herminie, auprès de qui elle était assise, épargnant ainsi à sa chaste réserve de répondre directement à la proposition d'Olivier. « Oh, vous avez raison, Herminie. Je devais me trouver bien fière de l'offre de M. Olivier. » « Et cette offre ?» dit Herminie, devinant la réponse de son amie. « Cette offre, l'acceptez-vous, Ernestine ?» Mademoiselle de Boisménil, par un mouvement d'une grâce et d'une naïveté charmante, se jeta au cou de la duchesse, l'embrassa tendrement et lui dit tout bas, bien bas, « Oui, j'accepte. » Et Ernestine resta la tête à demi cachée dans le sein d'Herminie, pendant que celle-ci, pouvant à peine contenir ses larmes d'attendrissement, disait au jeune officier, profondément ému lui-même de cette scène charmante, « Ernestine accepte, monsieur Olivier. J'en suis ravi pour vous et pour elle, car, de ce moment, elle est à jamais heureuse. « Oh oui, mademoiselle, » s'écria Olivier radieux, « car de ce moment, j'ai le droit de consacrer ma vie à mademoiselle Ernestine. « Je vous crois, je crois à mon bonheur à venir, monsieur Olivier, » dit mademoiselle de Boisménil en relevant sa tête jusqu'alors appuyée à l'épaule de la duchesse. Et alors, ses joues légèrement colorées, ses jolis yeux brillants d'une joie pure et sereine, la jeune fille tendit cordialement sa petite main au jeune homme. Olivier tressaillit en touchant cette main qu'il n'osa pas porter à ses lèvres, mais qu'il pressa légèrement, avec une émotion remplie de tendresse et de respect. Puis, sans chercher à cacher les larmes qui lui vinrent aux yeux, il dit « Par cette main loyale que vous m'avez donnée librement, mademoiselle, je vous jure, et j'en prends à témoin votre ami, je vous jure que ma vie sera consacrée à votre bonheur. »